Chapitre 14e, dernier feuillet. Telles sont les chimères qui charment et égarent au matin de la vie. J'essaye de les fixer sans beaucoup d'ordre, mais bien des cœurs me comprendront. Les illusions tombent l'une après l'autre, comme les écorces d'un fruit, et le fruit, c'est l'expérience. Sa saveur est amère, elle a pourtant quelque chose d'âcre qui fortifie. Qu'on me pardonne ce style vieilli. Rousseau dit que le spectacle de la nature console de tout. Je cherche parfois à retrouver mes bosquets de clarins perdus au nord de Paris, dans les brumes. Tout cela est bien changé. Ermenonville, pays où fleurissait encore l'idylle antique, traduite une seconde fois d'après Gessner. Tu as perdu ta seule étoile, qui chatoyait pour moi d'un double éclat. Tour à tour bleu et rose, comme l'astre trompeur d'Aldébaran, c'était Adrienne ou Sylvie. C'étaient les deux moitiés d'un seul amour. L'une était l'idéal sublime, l'autre la douce réalité. Que me font maintenant tes ombrages et tes lacs, et même ton désert? Otis, Montagny, Loisy, pauvre hameau voisin, Chaly, que l'on restaure, vous n'avez rien gardé de tout ce passé. Quelquefois j'ai besoin de revoir ces lieux de solitude et de rêverie. J'y relève tristement moi-même les traces fugitives d'une époque où le naturel était affecté. Je souris parfois en lisant sur le flanc des granites certains vers de Rouchet, qui m'avaient paru sublimes, ou des maximes de bienfaisance au-dessus d'une fontaine ou d'une grotte consacrée à Pan. Les étangs, creusés à si grands frais, étalent en vain leur eau morte que le cygne dédaigne. Il n'est plus le temps où les chasses de Condé passaient avec leurs amazones fières, où les cors se répandaient de loin, multipliés par les échos. Pour se rendre à Ermenonville, on ne trouve plus aujourd'hui de route directe. Quelquefois j'y vais par Creil et Senlis, d'autres fois par Dammartin. À Dammartin, on n'arrive jamais que le soir. Je vais coucher alors à l'image Saint-Jean. On me donne d'ordinaire une chambre assez propre tendue en vieille tapisserie avec un trumeau au-dessus de la glace. Cette chambre est un dernier retour vers le bric-à-brac auquel j'ai depuis longtemps renoncé. On y dort chaudement sous l'édredon, qui est d'usage dans ce pays. Le matin, quand j'ouvre la fenêtre, encadrée de vignes et de roses, je découvre avec ravissement un horizon vert de 10 lieues, où les peupliers s'alignent comme des armées. Quelques villages s'abritent çà et là sous leurs clochers aigus, construits, comme on dit là, en pointe d'ossement. On distingue d'abord Otis, puis Ève, puis Vert. On distinguerait Ermenonville à travers le bois s'il avait un clocher. Mais dans ce lieu philosophique, on a bien négligé l'église. Après avoir rempli mes poumons de l'air si pur qu'on respire sur ces plateaux, je descends gaiement et je vais faire un tour chez le pâtissier. Te voilà, grand frisé. Te voilà, petit parisien. Nous nous donnons les coups de poing amicaux de l'enfance. Puis je gravis un certain escalier où les joyeux cris de deux enfants accueillent ma venue. Le sourire athénien de Sylvie illumine ses traits charmés. Je me dis... là était le bonheur, peut-être, cependant. Je l'appelle quelquefois Lolotte, et elle me trouve un peu de ressemblance avec Berthère, moins les pistolets, qui ne sont plus de mode. Pendant que le grand frisé s'occupe du déjeuner, nous allons promener les enfants dans les allées de tilleuls qui saignent les débris des vieilles tours de briques du château. Tandis que ces petits s'exercent au tir des compagnons de l'arc, affichés dans la paille les flèches paternelles, nous lisons quelques poésies ou quelques pages de ces livres si courts qu'on ne fait plus guère. J'oubliais de dire que le jour où la troupe dont faisait partie Aurélie a donné une représentation à Dammartin, j'ai conduit Sylvie au spectacle et je lui ai demandé si elle ne trouvait pas que l'actrice ressemblait à une personne qu'elle avait connue déjà. À qui donc? Vous souvenez-vous d'Adrienne? Elle partit d'un grand éclat de rire en disant « Quelle idée !» Puis, comme se le reprochant, elle a repris en soupirant. Pauvre Adrienne, elle est morte au couvent de Saint-Ès vers 1832. Ainsi s'achève Sylvie par Gérard de Nerval.